Audiomatique. C'est sur la musique de la formation Nordschlacht que s'ouvrait la transmission 167 d'Audiomatique. De son album Silence, Beauty and Cruelty, paru en 2007, nous écoutions la pièce instrumentale Fortunes of Humanity. Les deux membres de Nordschlacht sont toujours actifs, mais sous le nom de Pyroline. C'est la transmission 167 d'Audiomatique avec les électronistes. At last, the innocent have finally slaughtered the innocent. This is a recording. 604 years. Now, please hang up and try your call again. It's very simple, of course. It all makes sense, or so it says. Please hang up now. Who are your new family? This is a recording. Where are you now? 6-0. Will you develop and grow? This is the tree bending. This is the last straw. No one can change what may never occur. Felt this pain. Except for those human eyes. My dear. Give me. I'll keep my dog, thank you. Give me. And remain here to make a decision on behalf of us all. Is that what you want to hear? Okay. nothing but earthly pleasure seems to matter. The only light we see is from the screens. No will to feel or explore the forgotten dimensions. No will to feel or explore the forgotten dimensions. No will to feel or explore the forgotten Oh, C'est avec le groupe norvégien Apoptygma Berserk que se concluait ce court segment à Audiomatique. Ils nous interprétaient la chanson Eclipse, qui a été ici remixée par la formation Dimension D. La version originale de la chanson Eclipse, quant à elle, se retrouve sur l'album Welcome to Earth, lancé en 2000. Précisons qu'Apoptygma Berserk a exploré le style future pop pour la première partie de sa carrière et a bifurqué vers des sonorités alternatives pop rock, certains diront emo, à partir de 2005. Et on pouvait entendre en premier lieu le groupe canadien Download, qui a été fondé en 1994 par Kevin Key et Dwayne Gottel de Skinny Poppy, peu de temps avant que Skinny Poppy se sépare en 1995 à la suite du départ du chanteur Nivek Ogre et de la mort par overdose de Dwayne Gottel. Download est alors devenu le véhicule principal de création de Kevin Key. De l'album « The Eyes of Stanley Payne » paru en 1996, nous entendions la pièce « Separate » sur laquelle collabore Genesis P. Orridge, bien sûr figure emblématique du mouvement industriel ayant fait partie de Throbbing Gristle et par la suite de Psychic TV. Mentionnons que la formation Skinny Poppy a été reformée en 2003 et qu'elle a depuis fait paraître 4 albums. Pour ce qui est de Download, ils ne nous ont rien offert depuis l'apparition de leur 9e album en 2013. La défunte formation Davantage amorce la prochaine séquence musicale à Audiomatique grâce à la pièce Hiding in Dark Woods.

Le projet Genetic Selection mettait un terme à cette séquence musicale de trois pièces grâce à sa pièce Ruined Cities, tirée de son premier album Orbital Ground Attack, paru en 2004. Avant Genetic Selection, nous écoutions le projet Dive de l'artiste belge Dirk Evans, connu notamment pour sa participation aux formations Absolute Body Control et The Clinic, qui ont contribué à modeler le son synthwave et dark electro des années 80. Donc, du projet Dive, nous entendions la pièce Something, tirée de son nouvel album Underneath, paru un peu plus tôt en 2017. Et avant Dive, c'était Davantage et la pièce Hiding in Dark Woods, sur laquelle on peut entendre la voix de la chanteuse Melanie Gunschnell de la formation Future Trail. Cette pièce de Davantage se retrouve sur l'album Split and Shattered, sorti en 2006. C'est avec le groupe suédois Covenant qu'Audiomatique se poursuit. We'll be right back. Il s'agissait de la poétesse et musicienne britannique Anne Clarke, qui a connu ses heures de gloire dans les années 80 en créant une musique alliant la rythmique d'une poésie récitée et la charge synthétique de mélodies électroniques. Ici, elle nous offrait la chanson « Eye of the Storm », extraite de son album beaucoup plus acoustique « The Law is an Anagram of Wealth », paru en 1993 et réalisé en collaboration avec Martin Bates et Peter Becker du groupe Eyeless in Gaza. Et précédemment à Anne Clarke, on avait droit à la formation suédoise Covenant et la pièce « Feedback Instrumental Club Version ». La version originale de la chanson Feedback est parue sur leur deuxième album intitulé Sequencer et lancé en 1996. La formation américaine Fleshfield se chargera de conclure la transmission 167 d'Audiomatique grâce à sa pièce Cage, tirée de l'album Believe Control, paru en 2001. C'était la transmission 167 d'Audiomatique. Pour les archives, facebook.com/audiomatique-cfou ou mixcloud.com/audiomatique. Les électronistes vous invitent à sintoniser le 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour la transmission 168 d'Audiomatique. Voici donc Fleshfield et Caged. Bonne écoute et à mercredi prochain puisque les électronistes ne font pas relâche durant la période des fêtes. D'ici là, passez de bons moments.